Chicago's all right to visit here. Oh, but please don't hang around. You'll find smooth chicks, high slicks, boy, all the mellow fellas hanging round. Yeah, your dough. Yeah, when your bankroll gone, baby. Yeah, you're just another chump who dropped in town. Yeah, my fella, not in Chicago. Oh, my friend really treated me fine. Yeah, and overnight long. Yeah, the changes like daylight saving time. Yeah, everything I wanted. Yeah, I had to lay my money right down on the line. I said, right down the line. I see you, darling, you're so lovely. Ooh, whoa, your eyes shine like stars above. You wear number 3 shoes. Yeah, you wear number 5 gloves. She says, money I want, baby. Yeah, I tell you, I don't need love. Money down. Yeah, why don't you make your bed good? Yeah, make it good. I say I'll take you to New York town, little girl. We'll buy you anything you like, yeah. I'll give you plenty of money, darling. Yeah, or I'll buy you a Cadillac, yeah. She said, I'm sorry, baby. Fine, I'm about to be here when you get back. Here when you get back. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. So hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Tu sors bien trop de... Hey, attends un petit peu, toi. Tu sors beaucoup trop de souffle pour le sifflet que t'amènes. Je reprends le discours. Tu souffles beaucoup trop pour le filament de sonorité que tu provoques par le fait de serrer les lèvres. Deuxième chose, tu souffles pas devant le micro, tu souffles de côté. Comme ça, ça va éviter de faire les... Hein, c'est très désagréable. Pour les oreilles, là, c'est très désagréable. C'est même pas... Hein, Madame Thibodeau? Madame Thibodeau? Elle s'est endormie, hein, le camp, c'est... c'est pas son camp. C'est pas son camp, mais au moins, elle a pas foutu le camp. C'est... Mais on va dire la vérité. C'est parce que... Avancez-vous devant votre radio. On peut pas parler trop fort. En tout cas, il faut garder ça dans l'intimité de l'errance rénaldienne. On l'a attaché. Non, elle n'est pas prisonnière. Appelez pas la police, madame. Appelez pas la police, vous. On l'a attaché parce qu'elle a, normalement, une très mauvaise... une mauvaise flexibilité. Non, c'est pas une flexibilité. C'est un mauvais élan. De s'envoyer en avant. S'envoyer. Non, dans son loyer, là, elle s'envoie en avant, donc elle risque fondamentalement de tomber par terre, de splutcher par en avant, puis si elle splutche en avant, qu'est-ce qui arrive? Pas compliqué, celle-là. Là. Elle tombe, comme une feuille en automne, comme une neige en hiver, comme Raymond à 3 heures du matin, elle tombe. Là, à son âge, je me dis, si elle tombe, elle va s'égrener, puis j'ai pas de porte-poussière pour ce genre d'affaires-là, moi, là. Fait qu'on l'attache. Quand elle s'endort, ça pendouille, la tête s'amène par en avant. Moi, j'ai dit, j'ai aucun problème, pour lui offrir, vous savez, des divans de barbier. Madame. Regarde, elle retourne son... Après 20 ans, on revire en enfance. Oh, déjà 20 ans. J'avais 20 ans pour les yeux d'une femme. Non, mais elle, c'est parce que dans sa tête, elle dit qu'elle a 20 ans, mais... Elle en a 78. 7, 8. Deux boules, là. 7, 8, deux boules. Deux grosses boules, parce que... Non, je ne veux pas parler de sa physionomie, c'est parce que... Hey, vous venez dans le désagréable, M. Grenier. Depuis quelque temps, votre émission n'est que vergiture. Vergiture? De Virginie? Non, vergiture n'est que quoi? De physionomie malsaine. Ah, mon physionomie, voyons donc, vous. Dites-moi pas ça, vous allez me faire pleurer, je suis très sensible. Les gens n'osent même plus me dire dans la rue « Salut, Rénal », je me mets à pleurer. Tellement d'émotions là-dedans. Rénal, ça me rappelle... Ça me rappelle à moi. Puis combien de fois dans notre vie on essaie de fuir notre moi? Notre surmoi, c'est encore pire. Et notre ça, ben on titine le ça. Aimez-vous ça, titiner le ça, Madame Thibodeau? Elle, quand elle s'endort, là, on peut mettre l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Là, elle ne se réveillera pas. Ah, y'a-tu une... Hey, Madame de... Faites des recherches sur Google. Y a-t-il un orchestre symphonique à Trois-Rivières? Pourquoi pas? Un trio, tiens. Le trio végétal. Oh! C'est pas si mal. C'est quoi? C'est des instruments végétaux? Les musiciens sont végétaux? Oh, OK, ils ont abandonné... c'est triste, mais en même temps, tant mieux. Ils ont abandonné la viande. Bon... Ils sont faits en quoi, eux, en bambou? Non, mais parce que quand tu quittes la viande, là, toi, t'es quoi? T'es un amas de viande avec un squelette sur lequel on greffe, comme je le disais, des steaks, hein? Vous êtes un steak ambulant, madame. Vous saviez pas ça, hein? Oh, oui, quand depuis je vous regarde, là. Oh, c'est pas le filet mignon, moi. Non, mais c'est trop tendre, hein? On dirait des... Il n'y a pas assez de résistance. J'aime ça quand ça résiste, moi, là. Quand c'est... Non, on y va, là. Hein? On patience, arme de patience. On aiguise notre couteau, puis on se dit bonne chance. Dit-il en raccrochant son micro. Saviez-vous que là, c'est la première fois là, que, ou une des rares fois que je commence à parler en fait, à balbutier. Et moi, il y a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là. Non, mais moi, c'est ça divague tout le temps. J'essaye. Tu sais, il y a des. Quand vous allez porter votre linge à la laveuse, hein? Vous êtes tremblotante, madame? Bon, vous dites, oh mon Dieu Seigneur, j'espère que. Comment ça va sortir? Normalement, on veut que ça sorte propre. C'est une laveuse. Si ça sort sale, faudrait se renseigner auprès de votre vendeur de laveuse. Vous êtes fait avoir. Vous êtes fait acheter, vous avez acheté. Laveuse, donc l'inverse de laveuse, c'est une saleté. T'es une saleté! Tu n'es qu'une saleté! Non. Ben, faut dire ça à laveuse, elle va virer, elle, là. Dis-tu ça? Eh non, mais c'est sensible, ces affaires-là. Ça pleure. C'est des larmes qui tombent là, dans le vaisseau, là. C'est pas de l'eau, c'est des larmes. Donc, votre linge est nettoyé par des larmes d'ange. C'est pour ça que ça vous a coûté 3 500 $ la laveuse. Puis si le vendeur a été honnête avec vous, il ne sait pas précipité pour vous dire, écoutez, madame, ça, c'est de l'eau qui a... Non. Wow. Attention. C'est des larmes d'ange venues du Sacré-Cœur. Bon, si vous ne connaissez pas, bien sûr, les rouages de la circulation au niveau des cieux, c'est quand même passablement simple. Pour, bien sûr, les exaltés de la religion, ceux qui comprennent les métaphores de Dieu. Il y a des métaphores de Dieu. Exactement. Voilà. J'aime bien la position du chrétien, agenouillé, tête baissée, jamais regardé, toujours planter le regard vers le sol. Endroit où vous irez jusqu'à la fin de vos jours, pour un moment donné, non, un moment donné, vous élevez vers les cieux. Donc, cette laveuse que je vais vous vendre, un prix ridicule. Ouais, cette émission-là, je crois que l'espace, mais on y va avec les ridicules. Heureusement que ça tue pas, parce qu'il serait mort depuis 2h15. Même si l'émission a commencé il y a 19 minutes. Puis là, il va vous dire pourquoi. Oui, je vais vous dire pourquoi. J'ai placé 3 chansons avant de commencer mon dialogue, comment dire, graveleux. Très grave. Ben oui, mais quand on parle de solution de la fin finale, de la finalité, c'est très, très, très solennel. Mais en même temps, il faut prendre ça avec un grain de sel. Puis un peu de poivre, de cayenne, et vous saupoudrez, c'est très important de saupoudrer. Si vous ne saupoudrez pas, ben il n'y aura rien qui sortira, là. Hein, vous saupoudrez d'oignons. D'oignons, non pas hachés, non pas coupés, mais malaxés. Vous prenez l'oignon, vous y parlez. Là, tu vas vivre quelque chose d'assez intense, là. C'est ta dernière vie. Puisque après, tu vas finir dans un plat extraordinaire. Mais pour ça, tu risques de souffrir, mais fais-toi-en pas, moi, t'endormir un petit peu avant. Va te chanter des chansons de Mario Pelcha. Mario Pelcha! Tu le connais pas! Tu perds pas grand-chose! Non, mais non, pas Mario, non, pas le chanteur connu, là. Ah non, c'est Mario Pelcha dans son sous-sol qui fait de la musique vietnamienne. Pour les Japonais, Arabes, dans le solstice, bien sûr, de la Grande Ourse, là, quand tu regardes dans le milieu de la Grande Ourse, il n'y a rien, hein, il y a comme un point noir, ben, c'est pas un point noir, c'est le trou, tout le monde cherche le trou, là, le scientifique, où est-ce qu'il est le trou, mais il est là le trou, puis dans ce trou-là, ben, y a une musique qui reste encore à inventer, qui n'est pas encore présente, ou si peu. Quoique certains hein, qui font de la musique expérimentale ont cru peut-être quelques notes allaient appartenir dans ce coin obscur. Puis dans l'obscurité, on a du plaisir en s'il vous plaît. Pourquoi? Vous avez raison, hein? Vous venez de répondre. Parce qu'il fait noir. Quand il fait noir, je dis, hey, hein? Tu plaisant, ferme la lumière, hein? Raymond. Raymond, ferme la lumière. En plus, ça va coûter moins cher d'hydro. Pas d'hydro, l'auteur, là, mais d'hydro, Hydro-Québec. Ça va coûter moins cher d'hydro. Et puis, deuxièmement, ça va nous reposer les quenouilles. Parce qu'on est, moi, dans mon... Si je parle pour moi, est-ce que je peux... Madame? Madame, est-ce que je peux parler pour moi? Là, je cherche la... OK, il est là. Est-ce que je peux parler pour moi? M'octroyez-vous? Oui. M'octroyez-vous, madame? Allô? Oui. Oh, attendez. Là, on va la refaire, celle-là, là, parce qu'elle a passé comme du beurre dans la poêle. Oui. Et hey, puis, en parlant de beurre dans la poêle, j'ai envoyé un message à mon ami Daniel Marcoux. Et en passant, c'est grâce à lui, c'est l'émission, vous l'entendez actuellement, là. Avec ses mains de maître, il transfère ça dans l'ordi, puis il essaye de donner un son des plus satisfaisants pour les auditrices et les auditeurs. Donc, merci à Daniel Marcoux, que j'oublie souvent. Mais ça a été fait. Daniel Marcoux, petite main d'applaudissement, Mme Thibodeau. Bravo. Daniel Marcoux, directeur musical de CKRL. La bonne musique, là, ça vient pas de l'extravagance là, d'un danseur de réverbère. Non. C'est un connaisseur, quelqu'un qui s'est penché sur toutes les formes de la musicalité. Et ça, c'est Daniel Marcoux. Il a des oreilles, lui, là, des oreilles tellement sensibles que lorsque la chanson lui chatouille le tympan, zing! Ça s'en va dans l'ordinateur. Zing! Il est comme ça, lui. Il en écoute de la musique, il en écoute. Il dort avec la musique, il se réveille avec la musique. Sa vie, c'est de la musique. C'est pas sa musique à lui, c'est la musique des autres. Faut-tu être assez généreux? Tu sais, un poète, là, ou un musicologue, non, ça, c'est quelqu'un qui étudie la musique, mais un musicien, tiens. J'ai du succès dans mes affaires. Non. Musicien. On va mettre un nom. William Scheller. William Scheller qui se réveille le matin. Ah oui, ben. J'ai une petite mélodie dans la tête. Vous allez me dire, c'est pas du Scheller? Non, mais il se dit, ça me rentre dans le cervelet, il doit avoir quelque chose là-dessus. Fait que là, il cogite. Mais là, cogiter, là, c'est pas deux jours, là, ça peut être deux ans avec ça. Là, il dit, hey, j'ai jamais fait ça, moi, un orchestre trompette symphonique avant. Avant que je tombe dans... Oui, c'est ça. Ben, donc, je peux me remonter sur deux, trois trompettes. Ça va devenir un succès. Là. William Scheller va faire un spectacle, un disque avant, parce que dans l'industrie, c'est pas compliqué l'industrie, Mme Thibodeau. Mais on va faire comprendre ça dans l'éclair qui coupe le ciel pendant la pluie ou avant la pluie, ou même s'il n'y a pas de pluie parce qu'il fait trop chaud, là, ça arrive. Tu te promènes. Tu vois l'éclair. C'est ça la création, Willy. Non, William Scheller, lui. Willy, viens à Willy. Willy. C'est pas Willy l'ourson, là, c'est Willy. Qui? Willy, ouais, dans le sens de William Scheller. J'adore William Scheller. C'est pas une mauvaise blague, c'est pas parce que je veux me foutre de sa gueule. Il a fait un spectacle sur DVD où ils racontent toutes ces chansons avec les couleurs. C'est très, très beau. Avec l'Orchestre symphonique de Bruxelles. J'ai dit l'Orchestre symphonique de Bruxelles. Mes amis bruxellois. Connaissez-vous la mitraillette? Là, la majorité vont me dire « Oui, je connais... Oui, c'est une arme. » Faux! En Belgique, la mitraillette, c'est un mets. Pas un mets, un mets pour manger. Un mets pour manger. C'est la baguette coupée en deux avec de la frite, du fromage et de la sauce. Là, les gens du Québec vont dire « Hey, wow, enlève la baguette, mets ça dans un bol, on appelle ça de la poutine. » Ben oui, mais là-bas, c'est de la mitraillette, une mitraillette. Parce que quand vous mangez ça, « Ah, mon, c'est lourd, hein, imaginez-vous avec du pain. » Nous autres, c'est juste frites, fromage et sauce. Mais eux autres, ils ont rajouté le pain. Si vous mangez votre bol, c'est votre problème, monsieur. Monsieur Lemieux, ouais, mangez. Imaginez-vous que moi aussi, lorsque je mange un dessert, c'est offert dans un genre de biscuit qui sert de bol. Mais je mange le bol. Mais c'est un biscuit. Vous, si vous mangez le carton qui contient la poutine, ben là, c'est votre problème. Ben oui, mais ça se mange pas, ça, là. Mais la mitraillette. En Belgique, ça se mange au complet. Le pain, frites, fromage et sauce. C'est quelque chose. Moi, à votre place, là, si vous avez un petit peu de sous, je sais pas, 45-50 cents, là, allez en Belgique, mangez une mitraillette, revenez à Québec. Vous allez avoir, vous êtes armé de fusibles, là. Vous allez avoir de la fusible. Là. Oh, excuse-moi, je dois aller au petit coin, j'ai des fusibles à transmettre dans... Oh mon Dieu, c'est carabiné. Oh, c'est carabiné. Oh là là là là là. Regarde-moi le collet, le colon. Là, ça, c'est un texte, excusez-moi, là. Vous savez que je suis un dramaturge. Pardon? Un dramaturge. Ah, mais ça, ça me surprend pas, hein? Ça sonne à la porte, puis tu fais un drame. Tu dis, j'ouvre pas la porte, je veux pas être accueilli, je veux pas avoir du monde, je veux rien savoir, puis en plus, c'est moi qui accueille. Fait que je veux pas accueillir le monde, et je veux rien savoir du monde qui reste chez eux, qui reste à la maison. Ils ne sont que trouble et agressivité devant mon regard. J'en ai ras-le-pompon du peuple, moi. Là, je peux-tu rester tout seul dans mon sol, dans mon 1,5 à me bercer, pis en disant « Oh, le temps qui passe, jamais n'efface les souvenirs des beaux jours passés, tendre jeunesse, toi qui me... » Ben, parce que là, tu berces en chantant, ben oui. « Toi qui me laisse... » Les gens l'ont entendu, ils savent que ça se passe de même. Tant... Mais c'est pas filmé, malheureusement, ou heureusement. « Tant de tendresse et de regrets. » Je t'aime. Ça n'a pas de bon sens. Les seuls, le seul public qui m'entend, qui m'entend. J'ai entendu dire que... plusieurs membres de CKRL, plusieurs auditeurs, auditrices, m'écoutent avec des bouchons. Ils se placent des bouchons, pas des frites, là. C'est pas des mitraillettes qui se placent, là. Alors, des mitraillettes, là, parce qu'ils rentrent dans l'alien, notre... Ah! Ça a complété... Ah! Hey, on se bouche les oreilles pour m'écouter. Puis on s'étonne après qu'on nous dise... Parle plus mal, car on pourrait bien nous entendre. Mon texte. Regarde-moi le collet, parce que on peut, c'est rare dans mon cas, là, je suis pas trop partisan du joual en poésie, mais de plus en plus, en écoutant mes amis, je les nommerai pas, parce que je suis pas juste dans le joual, moi, là, je suis dans le français francophone, je sais écrire autre chose que, tu sais, quand je suis arrivé hier soir devant toi, ma Georgette. Dire, tu sais, hier au soir, lorsque je me suis réveillé, ma Georgette. Mais là, c'est mon texte, là, c'est un petit peu. Bah, rempli de québécisme. Un peu rempli, mais à peine rempli. Un petit, comme on disait, un petit grain. Regarde-moi le collet, le colon. Trop de mousse pour si peu de bière. Puis ça, quand tu vas dans... Le texte est terminé, merci. Merci. Vous voulez que je le redise? Hein, vous êtes pas saturé? On va vous le redire. Regarde-moi le collet, le colon. Trop de mousse pour si peu de bière. Ça, c'est pour économiser la bière. On te plafonne ça de mousse, puis ils connaissent ça, là. C'est les professionnels. Ils savent que s'ils mettent ça à 45 degrés, ils vont arrêter. Là, ça va monter en mousse. Alors, monsieur, voilà. Toi, t'arrives avec ton verre, tu dis, ouais. Tu vois la démarcation du liquide et de la mousse. Tu dis, oh, il n'y aura pas grand-chose à voir. Il y a beaucoup de choses à voir, mais rien à boire. C'est un peu décevant, mais là, quand tu y goûtes, tu dis... Ben, elle vient y penser, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de liquide. Pas buvable. C'est quoi cette affaire-là? C'est du pill, mais comment? Pill meal? Je connais pas ça, moi, ces affaires-là. Pill meal. Pill meal. Oh, arrêtez donc, vous, là. Mais. Madame, tu... Si, oui. Pardon, allô? Hey, on vient de vous réveiller. Hein? C'est quoi le dernier cri, là? On l'égorge? On est en train de la massacrer? Est-ce qu'on... Voyons, mais ça va bien. Pouvez-vous aller plus loin? C'est troublant. C'est tout à fait... On sait pas ce qui nous... Est-ce qu'on peut rappeler la madame? Madame? Oui, ça va bien? Bon, non, non. Madame, est-ce que ça va? Bon, comment ça le son était étrange? Est-ce que c'est votre voix qui a bifurqué vers une tension dramatique? OK, vous êtes une comédienne. Ah, vous avez fait... Moi, ce qui m'intéresse, là, parce que malheureusement, quand on parle... Bon, pas malheureusement, mais on n'est jamais étonné quand on dit... Ben, j'ai fait les cours avant, les cours brevaires et les cours solitaires. Avez-vous fait des cours solitaires, vous? Avec quel comédien? C'est pas le grand Gustave Mahler. Le grand Gustave Mahler? Vous avez eu la chance de le rencontrer? En quelle année? 97, ça, hein? Ça, non, mais son plus grand... Sa popularité a commencé en 97. Avec la pièce, bien sûr, connue et reconnue à travers le monde francophone. Ah, c'est pas vrai! Êtes-vous encore en liaison avec ce grand monsieur? Vous êtes encore en liaison avec ce grand monsieur? Dites-moi pas que vous l'avez épousé. Vous l'avez marié. Vous l'avez tué. Déchiqueté. Placé dans des segments plastifiés. Non, des petits sacs plastifiés. Vous l'avez tiré dans le dans le fleuve Saint-Laurent. Vous êtes une criminelle. Vous habitez toujours à la maison? La police peut-elle passer dans quelques minutes? Vous risquez d'être là? La télévision peut-elle aussi se déplacer? La radio aussi? Si je vous dis que vous êtes en état d'arrestation, est-ce que vous vous sentez heureuse? Délivrée sans doute. Vous allez mieux dormir? Parce qu'en prison, on dort bien en sein, s'il vous plaît. Vous avez déjà essayé les lits de ces endroits obscurs? Mais voyons, toi. Et c'est pour ça que vous voulez y retourner? Nourri, logé? Télévision fournie? Radio aussi? Est-ce qu'ils sont sur le Wi-Fi, eux autres? Ah, ben voyons donc, oui. Alors, écoutez, je vous souhaite un bon séjour. J'espère que vous allez avoir du plaisir. Ah, hey! Puis il paraît qu'on mange un steak une fois par semaine. Ben, hey! C'est une bonne solution! Il faudra peut-être, hein? Oh, est-ce que je peux vous rencontrer là-bas? Faire une rencontre? Parce que moi, je suis pas un journaliste, moi. Ah non. Moi, je fais des rencontres radiophoniques, vous saviez? Vous écoutez mon émission? Ça vous a rendu folle? C'est pour ça que vous avez... C'est pour ça que vous avez... Oh non, vous êtes rendu au bout! Il me semble que c'est pas très très valorisant pour moi, là. Ça me fait peur un peu, là. Mon émission peut causer ce genre de choses-là. Est-ce ma voix qui agresse? Mon propos qui agresse? Ou le manque de silence entre mes phrases? Toutes ces solutions sont bonnes? Bon, ben écoutez, je vais aller vous rencontrer hein, là-bas. Puis on va peut-être tirer quelque chose au clair, mais tirer pendant le sens avec un fusil, moi. Hein, vous serez pas armé en prison, hein? Ah oui, armé de patience. Ben ouais, je savais bien. Oh, vous m'avez fait peur, vous là. Hey, en prison, on n'est pas armé. Ben oui, mais c'est pas vous. Hein, c'est les gardiens qui sont armés. Puis je suis même pas certain qu'ils sont armés. Ça dépend si vous allez en minimum, maximum, minimus. Minimus. C'est deux oiseaux qui s'amusent. Oui, monsieur. Monsieur le président. Non, on n'a pas ce parlo. C'est quelque chose qui se passe. Monsieur le patron catholique. Mesdames les voluptés. Et je redis, madame les voluptés. Et vous, chers résidents, résidentes et pudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénadienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre... Reine de Sommelier-Gan. Je suis le serpent. Hein? Ça va bien? Je suis le serpent. Vous êtes le serpent? Le serpent. Mais serpent, comment tu vas? Ah, serpent très bien, moi, là. Ah, oh, le serpent des neiges. Que c'est, hein? C'est quand même, quand tu bois ce genre de... cet élixir, tu te dis, ouais, on va repasser plus tard. Des neiges. Ça se fait-tu dans le rouge aussi, cette affaire-là? Ah, oh, attention, fuse. Pardon? Oui? Oh. Facebook Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance rénadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons en ce 2 septembre ensemble. Car aujourd'hui, bien sûr, le vendredi 2 septembre, on l'a annoncé avant, un petit peu avant, là, hein? Parce que je veux pas déséquilibrer les gens qui sont pas très, très équilibrés. Je parle de moi. Oh, comment ça va? Comme ça. Je vais vous raconter avant d'aller à mon invité, Nicolas Repac. C'est... je chantais... Ne vous déplaise. Non. Mais je chantais au travail une chanson là, de Daniel Itu. C'est quoi, non? Eh, bon, on a son grand succès, là. Allez, viens, on va s'aimer tendrement tout là-haut. Pendant toute la journée, sans savoir que le soir, il y a une publicité qui allait chanter cette chanson-là. Sur un rayon de soleil, allez, viens. J'aime bien chanter la musique. C'est pas du grunge, c'est quoi? C'est du pouf, c'est quoi? Hein? Du grano? Allez, viens, on va s'aimer tendrement tout là-haut sur un rayon de soleil. Allez, viens, voir le printemps qui s'éveille. Ah oui, dans le cœur. Allez, viens! On va mettre mon lavant, on va avoir des deux! Tout là-haut, sur un rayon de soleil! Ok, aujourd'hui, le vendredi, vos oreilles saignent, madame. Épongez! Mettez ça par terre! C'est des grands flots de sang. De... Vous êtes sanguine, vous? Sanguine. Moi, je suis sanguinaire. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes sanguine, moi, je suis sanguinaire. Je suis sanguinaire. Sanguine. Ah, sanguine. Non, je suis pas fâché, ça coupe le sang de faire ça. Ring! Il faut ring! Ramener le sang à l'intérieur. Ring! C'est comme. C'est du yoga. Les gars ont oublié de boucher le trou, fait que ying, ça saigne. Ying! Il faut arrêter ça. Ying. Pardon? Ça va bien, oh oui. Les enfants, moi, ils vont bien, mais le petit dernier, il saigne du nez. Saigne du nez parce que quand... Allez, viens! C'est là-dessus qu'elle... Le vent est mis dans le manteau là-haut. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le monde, c'est beau la terre. Aujourd'hui, le vendredi 2 septembre 2016. On va frapper une tour bientôt, là. Les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de zones de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et... J'espère que je n'ai pas... OK. Et pour nous envelopper dans un univers narratif, unissons-nous autour de mon ami Nicolas Repac pendant... Pendant combien de temps, mon Raymond? Dis-moi ça, t'es mon attaché. Détache-toi pas de ça. Nicolas, c'est deux semaines. 2 septembre, 9 septembre. 2 septembre, 9 septembre. C'est beau, ça, mais c'est la rentrée. On va laisser sortir tranquillement. Puis tout ce que vous allez entendre, je reviens avec ma voix, excusez-moi, dédouble-toi pas. Tout ce que vous allez entendre à partir de maintenant, là, en musique, c'est du Nicolas Repac. Qui est-il? C'est un musicien multi-instrumentiste et chanteur français de chansons françaises. Tout à la fois guitariste, compositeur, arrangeur et producteur, Nicolas Repac est fondamentalement un homme de l'ombre. Mais il va revenir là-dessus parce que selon lui, c'est pas vrai. Non par timidité excessive ou coquetterie, mais la musique pour lui n'a que très peu à voir avec la tyrannie du tout image, donc en dehors de tout ce qui est commercial. Nicolas Repac, nous l'avons rencontré en 2016 à Paris, sur la rue des Abbesses, après les chansons que nous allons écouter ensemble de cet auteur. Vous entendrez les propos de mon ami. C'est qui? C'est Nicolas. Nicolas, pas Nicolas Perrac? Non. Nicolas Repac. Oh! Already join the band. Hey, run along and join the band. Already join the band. My big boy red, come join the band. pense ce qui s'est passé cette année, les attentats. Après, tu as des gens qui vont te... Tu vas croiser des gens sur Facebook que tu ne connais pas, qui t'envoient des messages, qui sont des sympathisants, qui sont contents. Tu sais pas qui c'est, ces gens-là. Ils sont... Tu vois. C'est facile parce que c'est masqué, Internet. Comment ? C'est masqué, c'est oui. Anonyme. C'est... Bah, c'est justement... Donc, okay. les gens se défoulent comme ça. Et moi, je trouve que c'est pas si démocratique que ça, en fait. Ah non, c'est... C'est dangereux. Ouais. Voilà. Mais c'est un grand foutoir aussi. C'est un grand foutoir. J'en ai marre aussi dans la musique, des fois, des jeunes gars qui viennent me voir et qui se considèrent comme mon égal. Je ne sais pas qui. Mais tu entends le gars qui te fait écouter 2-3 morceaux, tu sais qu'il joue de la guitare depuis 6 mois ou 8 mois et il a écrit 3 petits textes, 3 petits poèmes et il s'adresse à toi comme si tu étais comme s'il était ton égal. Ouais, c'est, ouais, moi ça me vexe parce que moi je consacre ma vie à la musique, ouais, depuis que je suis gamin et, ouais, j'ai des heures et des heures et c'est du boulot, quoi, tu vois. Et en même temps, c'est le côté instantané. C'est pas parce que tu t'achètes une guitare que t'es guitariste. C'est pas parce, voilà, que tu as un crayon que t'es poète. Voilà, c'est ça. Mais ça, on est dans la facilité. En 2016, c'est l'art de la facilité. Avant, pour savoir, on devait aller dans les bibliothèques. Là, on va sur Facebook, on va sur Internet. Voilà, puis c'est ça. On peut trouver des faussetés épouvantables. Ouais. Lorsque j'étais à Québec, avant de venir te voir, je fais un dossier de presse. C'est intéressant. Tu as l'air intelligent lorsque tu es préparé, que tu rencontres l'artiste. Et pour ton premier album, sur 3 sites, les 3 titres étaient différents. C'est-à-dire, je vais te mentionner ce que j'ai vu. Ton album de... attends un petit peu. Vas-y, ici. Là, OK. En 97. Ouais. OK. Un site dit La Vie, l'album La Vie, l'autre La Ville et l'autre La Vite. Alors, mais ça pourrait être un quiz, hein? Alors, lequel a raison? Ben, c'est le deuxième. Ben oui. Ben voyons. Non, mais c'est ça qui est intéressant, ça devrait devenir un quiz. Ouais. Le premier album, hein, est-ce La Ville, La Vite, ou c'est souvent, c'est fait par des gens qui n'ont aucune connaissance. Si c'est du faute de frappe, pourquoi certaines... J'ai essayé de rejoindre la personne, les deux personnes qui ont fait être capable de... Le site n'existe plus, le site est là, mais la personne n'existe plus, c'est fermé, mais on ne peut plus retirer l'information. Donc la connerie reste. Ah, la connerie reste, hein. Gilles Deleuze, il disait que le plus grand mouvement au monde philosophique, c'était la connerie humaine. Ouais. Parce qu'on aura beau inventer... toutes les plus grandes philosophies, les plus grands contre-courants intellectuels, et il restera toujours le saut qui sera le plus intelligent des imbéciles. Il restera toujours la connerie parce qu'on est tous un peu cons de toute façon. Oui, oui, mais quand on est con, comme disait Brassens, on est con. Voilà, quand on est con, on est con, mais, on est tous le con de quelqu'un. Mais le mieux, c'est d'en être conscient. C'est déjà moins pire, on est un peu moins con. Oui, oui. Mais bon, pour des choses comme ça, c'est encore un exemple, un bon exemple que Internet, c'est pas toujours. C'est vrai. Faut faire attention, quoi, voilà. En fait, lorsque je voulais t'accueillir, j'avais deux versions. La version française, bonjour Nicolas, ou la version québécoise, bonjour Nicolas. Ben, tu prends laquelle? Je suis Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez comme jus? Orangelle, abricot, pomme, pamplemousse, rhubarbe, tomate. Je vais prendre tomate. Tomate. S'il vous plaît. Nicolas Rapac, il y a quelques jours à peine, je rencontrais ton ami, j'espère que c'est ton ami, Arthur H. Oui. Vous avez collaboré ensemble et vous travaillez sur des projets. Oui, bien sûr. Oui, assez régulièrement, vous avez fait un album. Oui. Tu l'as rencontré à Montréal? Non, ici. Ah, ici? À Paris. Je suis arrivé et la première personne que j'ai rencontrée, c'est Arthur. Ah, c'est marrant. Oui. Et j'ai pas voulu te le dire sur Internet parce que je voulais te l'annoncer de vivre. Ah oui, tu es là depuis plusieurs jours? Ben, tu depuis vendredi et je repars samedi. D'accord. Okay. Et moi, ce qui me plaît dans ton parcours, c'est l'artiste dans l'ombre, l'artiste silencieux, mais qui fait son chemin. L'artiste caché, mais présent dans l'univers musical. En fait, fait, est-ce que c'est la gêne qui fait en sorte que t'es pas... Est-ce que c'est? La gêne, la timidité, ou tu préfères... Moi, quand j'étais jeune, j'étais un sacré client de la timidité, vraiment, vraiment très timide. Malatif. Assez, ouais. Quand j'ai rencontré Arthur, par exemple, j'avais quoi? J'avais 31 ans. J'étais vraiment, vraiment autiste, hein. Vraiment okay. Très timide, quoi. Okay. Arthur aussi, d'ailleurs, il était un peu comme ça, donc... Alors bon, j'entends souvent ça sur moi, l'artiste de l'ombre, parce que souvent les artistes aussi sont... Ils sont devant, mais moi je fais des albums en mon nom. On pourrait dire aussi que je suis devant. Dès lors qu'on met son nom, dès lors qu'on fait l'artiste, on se met devant. Est-ce que c'est pas plutôt ma manière d'être devant? C'est ça. C'est plutôt. Qui dérange ou qui. Non, je veux dire. Qui questionne. Oui, voilà, c'est ça. Parce que j'ai jamais. Enfin, j'essaye pas de me montrer plus que ça. On parlait de Facebook il y a deux minutes. Je n'y suis jamais. J'essaye d'être juste présent dans mon travail et dans ma musique. J'essaye pas d'être c'est présent. Déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. J'espère. Parce que créer, c'est pas quelque chose de facile. Non, j'espère que. Et puis c'est l'essentiel. C'est pas quelque chose de rapide, c'est pas quelque chose de lent. C'est un enfantement souvent douloureux, mais qui demande beaucoup de travail. C'est-à-dire aussi. L'image a tendance à prendre le pas sur la musique, par exemple, et l'image d'un artiste a tendance à prendre le pas sur son travail. Alors, est-ce que c'est celui qui s'agite le plus, qu'on voit le plus, qui est le plus artiste? Moi, c'est pas parce que tu fais pas les magazines que t'es pas un artiste. Oui, oui, voilà, c'est ça, et c'est pas... Moi, ça correspond à ma personnalité, de toute façon, je suis toujours un... Je suis à l'aise à deux, à trois, à quatre personnes, ça va... Bon, maintenant j'ai changé, hein. J'ai quand même pris un peu de la bouteille et c'est différent d'avant. Mais je suis toujours plus à l'aise dans un repas avec deux amis, trois amis, pour boire un coup et discuter, écouter la musique, qu'une table de 20 personnes où je vais fondre comme un glaçon dans l'eau. Tu vas pas m'entendre, tu vas pas me voir beaucoup. Voilà, c'est toujours quand même ma personnalité. Ouais. Bon. J'ai changé, mais pas tant que ça, quoi. Voilà. À l'accent, t'es pas parisien. Je suis d'origine du sud, oui, du ben sud-ouest. Oui, ben oui, mais ça se perd pas, hein. Il y a non, des non. Petites consonances, là. Mais quand j'étais petit et que j'étais dans le sud, on me demandait si je venais pas de Paris. Ah ouais. Mon père est serbe. Alors, il avait déjà un accent. Il a toujours un accent assez fort. Ma mère était lorraine, okay. Du nord. Oui, oui. Mais à la Seconde Guerre mondiale, donc. Quand elle était enfant, ils ont immigré dans le sud-ouest. Mais est-ce que c'est pour ça que j'ai pas le fort accent du sud-ouest? Parce qu'il y a des gens qui l'ont vraiment très très fort. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, quand j'étais dans le sud-ouest, on pensait que j'étais du nord. Bon, parce que c'est mitigé, t'as pas l'accent vraiment très, non, très prononcé. Non, non, non. C'est non, juste peut-être quelques consonances quand on a l'oreille. Ça dépend de mes états émotionnels. Okay. Oh, okay. Quand je m'énerve ou quand... Oui, oui. Là, ça commence à prendre du galon. Là. On sent le gars qui... Il y a l'accent qui revient. Les racines reprennent. Il est jamais bien loin, mais moi je dis rose, jaune. À Paris, on dit jaune, rose. On pointe, c'est l'accent plus pointu. Ouais. On avait demandé à Francis Cabrel, lors de son deuxième album, d'éviter de faire ce genre de choses-là. Pour être français, parisien, on lui a mentionné peut-être qu'au lieu de dire rose, vous seriez mieux de dire rose, comme ça, le public ne serait pas. Enfin, au contraire, c'est ce qui fait le charme. Quand Claude Nougaro parlait, chantait, c'était l'accent aussi qui était une musique. L'accent est une musique au Québec, l'accent est une musique. Moi, dans j'adore les provinces. J'adore les accents. Hein. Exact. J'adore dans, les. Mais dans les provinces, en province, en Normandie, à Marseille, un peu partout, il faut arrêter de rendre universelle la langue française. La langue française a des petits. A des agencements, a une pigmentation. On devrait surtout parler, je trouve, de l'accent de la télévision. Parce que. Ah oui, puis la radio aussi. Pour un Français maintenant, c'est comme un complexe. C'est-à-dire, si tu viens du Nord, de l'Est, du Nord ou de Marseille, tu as un accent. Tu as l'accent de ta terre. Mais à Paris, à la télévision, tout le monde a l'accent. Dit universel. Universel, ouais. C'est-à-dire on n'a pas d'accent. C'est absurde. on devrait parler de l'accent de la télévision. Ouais, ouais, c'est un accent. Parce que tout, nous tous les Parisiens, là, nous sommes tous de province, en fait. Il y a très peu de Parisiens qui sont originaires de Paris. Il y a 10% de la population, environ, et 90%, c'est des gens comme moi qui sont un jour venus dans la grande ville, tenter leur chance, faire leur vie, chercher du travail, et voilà. Alors tout ça, c'est un peu des conneries, quoi. Voilà. He stood 7 feet tall and 5 feet wide. He had a beautiful woman standing by his side. She could swing an axe just as hard as he could. She used to run and help him chop all the house wood. Who? The mighty diddly. Mighty Bo Diddley. The mighty lumberjack. He had steel in his arms and he called it bone. He used muscles in his arms and he called them stone. Somebody said something about his bride. You know this cat was born to die. Oh, yeah. From a left hook and a whizzing right hand, sent this cat to his resting land. The trees and leaves fell upon the ground. The same wind stirred up the clouds and snow appeared on down. The mighty lumberjack. Timber they cry all day and all night. The mighty, mighty lumberjack. Some of them cried, some of them prayed again. Have no fear, that's Bo's axe sucking wind. Mighty Bo Diddley. Mighty lumberjack. Don't run away, because I'm still chopping trees, holly timber. I'll be hollering timber from now on. A mighty lumberjack. Écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Bernier. Quand j'étais tout petit, quand j'avais mes premiers souvenirs musicaux remontent à très très loin, quand, à l'âge de 5 ans par là. 5 ans et ça commençait un peu d'une manière maladive, c'est-à-dire que mon premier souvenir c'est dans les années, donc fin des années 60, je me frappe la tête en rythme en regardant la télévision, mais il y avait une chaîne à l'époque. Et il y avait ce qu'on appelle la mire de l'ORTF, oui. C'est-à-dire ce dessin que tu dois connaître. Enfin, je ne sais pas si au Canada on le connaît aussi. Au Québec, au Québec. Si on connaît. Oui, si on voit sur Internet, oui, moi je l'ai déjà vu. Parce voilà. Les reportages de l'époque. Voilà, c'est ça. Et donc, comme les émissions à l'époque ne couvraient pas la totalité de la journée, dans l'après-midi, ma mère me laissait dans le fauteuil paternel, un beau fauteuil rouge et noir en sky, sur lequel je me frappais la tête comme un malade en écoutant la musique, puisqu'il passait avec ce logo de RTF, il passait de la musique. Et quelle sorte de musique ? Ben, il passait de tout, il passait absolument de tout. Mais mon jazz, chanson française, classique. Ouais, classique, de la pop, enfin, pas trop encore à l'époque, mais en tout cas, c'est vraiment. Ça, c'est dans les années fin 60. Ouais, bon, je suis né en 64, 5 ans, 69, 70. Okay. Par là, je sais plus, j'ai pas compté, hein. Mais c'est à peu près, disons, mes premiers souvenirs, mais vraiment marquants parce que c'était tous les jours et ma mère a fini par s'inquiéter quand même parce qu'elle elle a demandé au Toubi, au docteur, le petit là, et qu'est-ce qu'il a ? Bon, à l'époque, on se souciait pas trop, encore trop de psychologie, je pense, surtout du milieu d'où je viens, un milieu populaire et. Milieu très simple, ouais. On se souciait pas vraiment encore à l'époque de savoir ce qu'un gamin comportait dans sa tête pour avoir. Tu rêvais en écoutant la musique, tu faisais des images, tu faisais une histoire, ou tu étais juste là devant l'admiration. Non, j'étais dans la musique. Moi, la musique, ça a été. Je pense que la musique m'a sauvé d'une certaine manière. Elle m'a pris, plaf, et puis. Elle t'a sauvé de quoi ? Je sais pas, d'une certaine, un certain état. J'ai rien vécu de grave, mais un certain état émotionnel, je saurais pas comment l'exprimer, je sais pas. Mais t'étais sans, t'étais renfermé, t'étais. Ouais, j'étais pas. À l'école, j'étais vraiment comme ça, mais après, quand j'arrivais chez moi, je me défoulais Même. Ben oui, okay. J'étais quand même plutôt à mais me défouler. Mais pourquoi à l'école, tu voulais pas déranger, tu voulais. Non, j'étais grand, timide, complexé. Parce que t'étais grand? De taille ? Moi, je sais pas, tu me dis grand timide, peut-être que tu étais. Non, grand timide, grand en timidité. Oui. Non, je n'étais pas grand de taille, pas du tout, non. Alors, il n'y avait rien qui te. Je sais pas. C'est La musique m'a pris, moi, très jeune. J'ai pas choisi la musique, c'est vraiment... C'est la musique qui t'a choisi. Je crois, ouais. Ensuite, comme je venais d'un milieu où, populaire, on n'avait pas d'argent. J'ai attendu longtemps d'avoir mon premier instrument, c'est-à-dire ma première guitare. Je l'ai eu à l'âge de 13 ans. J'ai demandé à corps et à cri à ma mère un piano, parce que... Piano, quoi, tu vois. Ouais, oui. Ma mère, elle m'expliquait, mon petit, non, tu pourras pas, enfin, on peut pas, tu comprends, le piano. C'est quand même très cher. C'est quand même très, très cher. Voilà. Alors, j'ai eu une guitare à 15, je sais plus, à 150 francs, c'était des francs. J'ai oublié la valeur, mais ça. Ça veut dire 30 euros, à peu près. Ouais, voilà, un truc, voilà, un truc, à une guitare à 30 euros, quoi. Acheté chez Carrefour. Ok, oui. Et voilà, et dès que j'ai eu cette guitare... Est-ce que tu l'as gardée par nostalgie? Non, malheureusement dans mon adolescence, un jour de colère, dans mon garage, je jouais de la guitare, mais je m'énervais parce que je suis autodidacte. Mm-hmm. Et un jour, par dépit de ne pas arriver à jouer ce que j'essaie de jouer... Je l'ai jeté et puis 2 heures plus tard je suis rentré de mon village. Je suis allé faire un tour au village quoi, parce que j'habitais dans un petit village et je suis revenu et puis ma guitare elle était... Oh. Et je fais oh merde. Ah, mais bon, je devais avoir 15-16 ans et je sais plus, donc c'était l'époque où on commence à travailler. J'ai bossé, je sais plus très bien où, à la campagne, ou... et puis je me suis payé une guitare à 50 euros, oh, okay. Ou 60 euros, ouais. Et puis voilà, comme ça, j'ai fait comme ça. Mais lorsque tu es devenu musicien amateur, musicien qui cherchait les notes, qui expérimentait, qui faisait son école personnelle, qu'est-ce qui t'attirait? Bah, dans la musique? Oui. Bah, la musique, c'était... je sais pas, c'était un mode de vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues entre le moment où j'ai commencé la musique et la musique telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que la musique, à cette époque-là, on est encore dans les décennies sur lesquelles auxquelles tout le monde se réfère, les années 60 et 70. Un espèce d'âge d'or civilisationnel dans lesquels on a inventé tellement de choses, tellement, c'est vraiment une révolution, une vraie révolution culturelle et mondiale. Aujourd'hui, on n'est plus sur cette vague-là. La musique est devenue, je vais reparler d'Internet, mais la musique est redescendue de deux ou trois étages. C'est un truc qu'on consomme aujourd'hui. C'est moins excitant. Alors ce que j'y trouvais, moi j'y trouvais l'évasion, j'y trouvais la corde à laquelle j'allais pouvoir m'accrocher, et je ne le savais pas encore, mais j'allais aussi pouvoir partir, quitter ma famille, faire ma vie. Je voulais surtout pas, je voulais tout sauf la vie pour laquelle j'étais prédestiné. Je voulais pas être ouvrier, je voulais pas. Mais tes parents, lorsqu'on dit à nos parents, peut-être que tu ne l'as jamais dit, mais ça doit être sécurisant d'apprendre que son fils veut devenir artiste. Je savais même pas ce que ça voulait dire artiste. Non. Mon père, je lui ai dit, okay. Non, c'est même ma mère qui lui a dit le jour de mon départ en train, la veille. Elle lui a dit, ah mais il part à Paris demain. Mon père, il savait pas. Tu avais dit qu'est-ce que tu allais faire à Paris. Mon père a dit, mais pourquoi? Ouais. Ma mère lui a dit, pour faire de la musique. Musique. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ce truc? Et puis ta mère était beaucoup plus permissive, était... Oui, parce que ma mère, jeune, elle vient d'un milieu populaire aussi, milieu de travailleurs, de mineurs. Et ses frères étaient mineurs. Mais elle était dans sa jeunesse, elle était, je crois qu'elle était, c'était une femme moderne, mais dans un milieu social qui ne le permettait pas encore. Okay. Voilà. Elle était comédienne, amateur. Oui. Okay, oui. À Albi, c'est la ville où je suis né, et la ville où mes parents se sont rencontrés. Et donc elle était, elle faisait partie d'une troupe de, de théâtre amateur. Oh, et encore aujourd'hui, elle en parle encore. Elle s'en réfère vraiment comme un, un acte manqué, quelque chose qu'elle aurait dû peut-être, si elle avait eu le courage, poursuivre et continuer. Ouais. Sauf qu'elle a rencontré mon père. Et mon père, lui, c'était un bûcheron, c'était un, un Serbe, mais un... Oui, au Québec, il y en avait des bûcherons, il y avait beaucoup de bûcherons. Voilà, ben mon père, c'était un bûcheron jusqu'à 30 ans, je crois. Il a été dans toutes les forêts du sud-ouest avec son père et ses frères et a coupé du bois à la hache. Tu parlais de musique, le bûcheron d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même, c'est la scie électrique. Ouais. Mais à l'époque, c'était à la hache, comme tu dis. Ben, mon père était, et pas comme moi, un sérieux gaillard. Plus petit, mais alors, gaillard, un vrai de vrai, quoi. On dit chez nous un gars planté, un gars qui est, ouais, qui est bien... un gars bien planté, ouais. Voilà. Mais lorsqu'il était parti pour Paris, pour conquérir Paris, comme le dit Aznavour, est-ce qu'il y a des... Sans doute qu'il y a des déceptions qui ont rapidement découlé de tout ça. Tu te voyais déjà en haut de l'affiche? Pas du tout, non. Non, parce que j'étais très... j'ai toujours été complexé, mais dans le bon sens, je pense. C'est-à-dire que du fait que j'avais rien, mes amis de Toulouse, quand j'étais étudiant, tout ça, ma meilleure amie était comédienne, mes deux meilleures amies étaient... Elle est devenue. Bah, mais à l'époque, on était encore des gamins. Ouais. Mes deux meilleurs amis étaient dessinateurs de bandes dessinées. Et ils je sont les... devenus qui en ont gagné leur... L'un oui, l'autre pas. Okay. Mais voilà. Thank you. On avait nos cartes et ouais. j'étais convaincu qu'ils étaient tous promis un avenir exceptionnel parce qu'ils venaient de ils avaient des parents qui étaient déjà dans des métiers culturels où leurs parents étaient comédiens comédiennes ou travaillant un enfant de la base, comme on dit. Voilà ou toi, tu n'étais pas et moi je l'étais pas du tout donc moi je qui elle tâtonnait l'art ouais. dramatique mais niveau amateur avec des amis ouais c'est ça mais moi tout, pour moi c'était je savais que ça serait difficile, de toute façon, le voyage à Paris. Je suis vraiment arrivé avec mon sac, j'avais rien et j'ai vraiment galéré pendant plusieurs années. C'est une ville qui. Alors, t'as fait plein de petits boulots ? Ouais, j'ai fait plein de boulots. J'en ai fait plein. Et à quel moment tu t'es dit on arrête ces boulots-là ? À 26 ans, j'ai rencontré un gars qui est devenu mon ami. Il m'a dit, écoute, moi j'ai l'argent, toi t'as le talent. Ah oui, ouais. Il avait l'argent et moi j'avais le talent. Il me dit, montons une boîte de prod. Oh. Alors, à 26 ans, j'ai monté une petite boîte avec lui, qui s'appelait Abeton Productions. Abeton, oui. Qui a duré 4 années. Et vous avez indiqué quel artiste à part. On n'a pas fait grand chose de très mirobolant, mais moi j'ai fait mes armes. Disons qu'on avait une petite clientèle des gens qui nous appelaient, mais c'était vraiment, tu sais, imagine ça, une petite société pourrie, quoi, bien... Et toi, t'étais au mixeur, tu travaillais... Bah, ça m'a permis d'avoir mon premier petit studio, parce qu'on avait acheté un peu de matériel. C'est pas comme aujourd'hui, ça s'en était un petit studio, c'est incroyable, voilà. Tascam 40. Eh ben, j'ai commencé avec un petit Tascam, d'abord un 4 pistes, Tascam 4 pistes, puis après on a eu un 8 pistes, puis après on est passé à du numérique. C'était de l'analogique à l'époque. Après on a couplé ça avec des numériques, des Tascam numériques, on en avait acheté 3, donc on avait un 12 pistes. Quel son, hein. Et j'étais sur un Atari 1040 ST. Oh, oh oui. Tu vois. Oh, oui, oui. Il y avait, je crois, avec l'extension de mémoire, 2 gigas de mémoire, mon gars. 2 gigas à l'époque, c'était la machine. Voilà. Quand j'ai rencontré Arthur pour Trouble Fête, le premier album, j'avais une grande table, j'avais mon Atari et j'avais 500 disquettes. Chaque fois que je prenais un son, que je fabriquais un truc, ça tenait sur 3 grosses disquettes. Voilà. Tout a changé. Je lui ai rappelé qu'il avait fait un album concert à Québec, en chair et en os. Oui. Il s'en souvenait plus, parce que les années passent et... On en a fait beaucoup. Enfin, oui. Mais à Québec, là. En chair et en os. C'était au Dauteuil. Et le cool jazz de la fin était capté en Afrique. Chanson de 12 minutes. Cool jazz. Quelle chanson. Je crois que j'ai été c'est pour ça que je t'en parle. La version, ouais. Ben oui. Parce qu'en 97, on a fait une tournée en Afrique. Oui. Et exactement. Ça a été enregistré à cette époque-là. Exactement. Quelle mémoire. Donc, le petit Atari, le petit studio maison, c'est là que la piqûre a commencé. Parce que là, tu étais musicien, tu travaillais ton instrument, et là, tu arrives devant des consoles et tu vois qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. De la construction. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Okay. Ça ne s'est pas passé comme ça. Merci. Il faut que je revienne. Je ne sais plus combien, mais 26 ans, donc ma boîte. Un an, deux ans auparavant, moi j'étais monté à Paris pour faire du jazz, en fait, à 23 ans. Je suis monté à Paris à 23 ans pour faire du jazz. Il y avait une école à l'époque qui s'appelait le CIM, qui était la meilleure école. Je suis allé direct, au bout de 15 jours, m'inscrire au CIM, mais j'avais pas un centime. Donc c'était trop cher. Donc je suis reparti bredouille. Je me suis replié sur une deuxième école moins chère, qui était un peu moins bien, mais moins chère. Pour laquelle j'avais l'argent, parce que mon ami de l'époque m'avait trouvé un petit job. On appelait ça des TUC en France, c'était des contrats merdiques où on gagnait rien, que l'État avait lancé pour essayer de réduire le chômage, déjà à l'époque. Mais j'étais au CNRS, c'était plutôt sympa, avec des scientifiques, des chercheurs. C'était rigolo, moi ça me faisait marrer. Et donc dans ce laps de temps, donc je cherchais donc à m'inscrire dans cette école. J'ai été auditionné, le gars me dit « super, t'as un très bon niveau, tu vas passer directement en deuxième année ». Hein, sans avoir fait Génial, je me dis... Ah oui, j'étais vraiment sur ma guitare. Je vais gagner en argent parce que je viens de sauter une année. Oui, mais sauf que j'ai passé mon audition. Le mec m'a dit en septembre, à la rentrée, c'était en juin. Oui. Et la secrétaire, dépitée, me regarde et dit « Je suis vraiment désolé, mais vous avez passé l'audition pour rien parce que notre effectif est plein. » Coup du sort. Deuxième année sans faire la première. Voilà, donc j'ai jamais vu une école de jazz. Il s'est trouvé que je suis rentré en métro, je m'en rappelle, vraiment dépité. Qu'est-ce que je viens foutre dans cette grande ville? Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Si je fais pas de jazz, si j'apprends pas... Je suis un peu venu, qu'est-ce que je vais foutre ici? Il se trouve que mon ami qui m'avait hébergé, j'avais trouvé mon premier appartement avec ma copine de l'époque, tout ça. Et son père travaillait à Radio France Lyon. Oh, ok. Et... C'est trop marrant quand même parce que je ne sais pas si aujourd'hui j'oserais faire ça. Et il cherchait quelqu'un pour refaire tout l'habillage d'antenne de Radio France Lyon. Oh, c'est bon. Et moi j'ai dit avec mon ami, on a dit ouais. Oh, on connaît ça, moi je sais faire ça. Oui. Et j'avais jamais mis mes doigts sur un clavier. Okay. Je n'avais qu'une guitare. Comme mon ami était dessinateur de bande dessinée, je t'en ai parlé juste avant. Oh, oui. Il venait d'avoir son premier contrat pour faire quelques dessins de presse dans 50 millions de consommateurs, un magazine français. Il m'a avancé l'argent, on a acheté une boîte à rimes, un clavier, je sais plus la marque, mais vraiment, je te parle vraiment d'un ancêtre. Oui, quoi. Oui, oui, de l'Atari, l'ancêtre de l'Atari. Mais oui, voilà, mais y a, j'avais pas d'Atari encore. Non, non, non, non, non, non. Et je suis parti dans le TGV avec mon pote à Lyon, avec la notice dans, gonflée à bloc, en disant, ouais, je vais faire le générique de pour les infos, pour la météo, pour l'émission de, je sais pas. J'ai fait 15-20 musiques comme ça. Et ça a marché. On appelle ça des jingles, c'est ça? Des jingles, ouais. Et ça a marché. Et du coup... Un choc, voilà. Un choc dans ma vie. Un choc dans ma vie parce que ça a été mon premier choc à la SACEM. Un an plus tard. Un an plus tard, les trucs passaient à la radio. En vogue, donc c'est payant. Voilà. Plus ça joue, plus c'est payé. Voilà, c'est ça. Et donc ça a été un choc. C'est-à-dire, là, j'avais pas prévu ça. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'intéresser à cause de cet accident-là au clavier, et puis ensuite plus tard à l'ordinateur, et en gros, en somme toute, au travail d'arrangeur. Voilà. Moi, j'avais j'avais pas du tout prévu ça. Mais tu savais pas qu'on appelait ça un arrangeur? Non, je savais rien. Toi, t'étais un bidouilleur? Non, même pas. J'étais un guitariste. Non, non, mais tu bidouillais, c'est-à-dire que là, tu t'es retrouvé derrière ça, comment ça fonctionne. Alors, oui. Tu expérimentais autant que... Ah bah oui, mais j'ai surtout menti. C'était un gros coup de bluff, surtout. Oui, ben oui. C'est ça la vie, souvent. Hein. Oui, c'était osé. Un gros coup de bluff. J'ai dit oui, parce que j'avais tellement envie de faire, musique, de faire quelque chose, Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et ça a été vraiment un choc, parce que j'ai découvert les boîtes à rimes. Je peux faire de la musique tout seul, en fait, chez moi, dans une pièce. Waouh. Et ça m'a fait gamberger, quand même. Et j'ai peu à peu donc délaissé la guitare pendant une dizaine d'années. Non, un peu moins. Jusqu'à la rencontre avec Arthur. C'est à cause d'Arthur. À quel endroit tu l'as rencontré? Arthur? Oui. Je l'ai rencontré pour l'album Trouble Fête par un ami. En commun? Mon ami à moi qui est ingénieur du son qui a fait les prises de son de Trouble Fête. Okay. Voilà. Et Arthur, se confiant à lui, lui a dit, je cherche un mec, tu connaîtrais pas un mec qui fait des samples, qui fait des trucs? Et il lui a dit, je connais quelqu'un, je vais te présenter. Dans la semaine, on a fait un petit repas. Voilà, ça s'est fait comme ça. Voilà. Arthur m'a filé 5 chansons. Il m'a dit, il m'a demandé si j'avais une démo. J'ai dit, j'avais rien. J'ai pas de démo, j'ai rien. Je lui ai dit, file-moi 5 chansons, et puis je rentre chez moi, et puis quand j'ai un truc... Mais c'était comment? C'était guitare-voix, lui? Il proposait piano? Il avait, non, avec... c'était contrebasse avec Brad Scott, piano, oui. Piano-voix, okay. Et il cherchait... La Bachibouzo, il existait, donc ça devait être un peu... C'était juste après le Bachibouzouk. Oui, je sais. Voilà, c'est quand il a dissous le Bachibouzouk, je suis arrivé au moment où il a dissous le Bachibouzouk. Oui, okay. Et donc il cherchait un mec pour faire des programmations de boîte à rimes. J'ai jamais fait ça de ma vie. Un mois plus tard, je l'ai rappelé, j'avais mis des samples partout, sur les chansons, j'avais mis des samples de Pygmée, des samples de... Je sais pas, je m'étais éclaté, quoi. En me disant, de toute façon... Tu veux rien d'arrière. Ouais, puis non, mais c'est même pas ça, c'est... Je sais pas. Tu t'amusais, qu'on verra le résultat. J'étais complètement inconscient, et j'ai juste suivi mon instinct de musicien. Et voilà. Disparaître, solde monstre chez Disque Univers, rayon soleil, c'est l'émeute, l'ivresse générale, des affaires à faire à des prix fous, fous, offre exceptionnelle. Avant l'inventaire, tout doit disparaître en liquide chez Discount Univers. L'enfer et le ciel, l'amour et la mer, tout est éphémère sur les éphémérides. Mesdames et messieurs, à vous de voir. Doit disparaître avant ce soir. Au grand bazar, bazar. Entrez. Venez découvrir le forfait bonheur, les formes de souplesse vous séduiront au grand bazar. Au grand bazar. Tout doit disparaître avant ce soir. Tout doit disparaître. Plus de traces. Des êtres et des choses que j'aimais. Stock à écouler de souvenirs. Offre exceptionnelle à épuiser. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Tu te poudres la gueule, en prévision d'un coup de gueule. Tu te poudres les yeux, en prévision d'un coup de vieux. Tu te poudres, en prévision d'un coup de foudre. Tu mets ta jupe à volant, en prévision d'un coup de vent. Louise, Louise, tu te mets bien en valeur, en prévision d'un coup de cœur. Tu te poudres les oreilles, en prévision d'un coup de soleil. Et tu mets en évidence tes cannes, en prévision du coup de la panne. Et tu te poudres même les cheveux, en prévision d'un coup de Louis. En prévision d'un coup de barre, tu te relèves, Lénibar, pour barrer le coup de Trafalgar. Certains soirs même tu te saoules, en prévision d'un coup de boule. Tu n'es pas celle qu'on épouse, non. En prévision d'un coup de blues, d'un coup de blues, d'un coup de blues, d'un coup de blues, d'un coup de blues. Et il a adoré, et c'est comme ça qu'on est, que lui et moi, c'est parti. Quoi. Ouais. C'est parti pour une belle aventure. Puisque... Bah, ça fait 20 ans qu'on est là, et qu'on continue à se voir et à faire de la musique ensemble. Quoi. Ça fait 20 ans. Mais toi, le fait de faire de la musique, c'est en même temps le fait de te surprendre toi-même devant un instrument. Parce que tu savais pas que tu pouvais mixer, tu savais pas que tu pouvais jouer avec des synthés, tu savais pas certaines choses. Mais c'est en essayant, puis en bidouillant, puis en faisant dire par les autres, hey, c'est merveilleux ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais, il y a quelque chose là-dedans. Et tu dis, ah oui, ah bon, puis tu réagissais. Ouais, c'est un. Dans les années 90, il y a eu quand même l'invention du sampler. Oui. Enfin, le sampler, c'est plus ancien que ça. Non, mais celui qu'on connaît. Là. Celui qu'on connaît, ouais, démocratisé, pas trop cher, accessible, qu'on peut se payer. Exact. Et moi, ça a été vraiment, c'est toujours aujourd'hui mon instrument, mon deuxième instrument de prédilection. C'est vraiment un instrument qui m'a ouvert tout le champ des possibles. Parce que je pouvais mettre dans un sampler des cordes de Mozart, les détourner, les pitcher, les faire rencontrer un groove de James Brown, enfin je dis n'importe quoi, mais le fait qu'on puisse tout se faire rencontrer comme ça, pour moi c'était ça. Mes rêves de musicien et de compositeur, là, se sont incarnés autour de cette machine. C'est-à-dire, tout était possible. C'est-à-dire, jusque-là, c'était compliqué quand même. Et mes premières maquettes, ça c'est dommage parce que je ne l'ai pas gardé, mais quand j'avais 13, entre 13 et 16 ans, par là, j'avais fait mes premières maquettes. Vers l'âge de 15-16 ans, j'écrivais mes premiers poèmes, forcément, mes premiers textes. Et c'est con parce qu'un autre jour de dépit, j'ai tout jeté à la poubelle, mais je faisais, tu sais, j'avais deux appareils cassettes. Oui. Tu vois, oui. Et j'avais une guitare, deux appareils cassettes. Pour faire la stéréo, c'est j'avais, ça j'avais, non, okay. J'avais écrit mon texte et j'ai fait mes premiers morceaux tout seul comme ça. Donc, j'enregistrais la guitare, oui, sur le premier. Okay, puis la voix. Après, sur je le passais à fond, ah, oui, sur la cassette et j'enregistrais sur l'autre. Et je désaccordais, oui, je désaccordais la guitare et je faisais la basse. Après, bon. après, j'allais piquer, donc je repassais après l'autre à fond. Tu vois, et je passais les. Je prenais les aiguilles à tricoter et les bassines de ma mère et je faisais la drum, la batterie, et puis après je faisais la voix, et après je faisais les chœurs. Donc il y avait un son inaudible. Mais en fait, la première chose que j'ai voulu faire en musique, c'est ça. C'est-à-dire, c'était tout faire. C'est-à-dire de A à Z. Voilà. Parce que la guitare, moi, ça m'a toujours. J'adore la guitare aujourd'hui, mais comme je te l'ai dit précédemment, quand j'ai découvert, après cet épisode à Lyon, les claviers, j'ai abandonné la guitare. J'étais un peu le grand oiseau blessé. Ah ouais. Puisque je ne peux pas être Jimi Hendrix, de toute façon, autant ne pas être rien, enfin autant être rien et abandonner cet instrument parce que je suis très limité, je suis très mauvais, je suis le plus nul, j'arrête. Voilà, elle était là, je jouais de temps en temps, comme ça, voilà, c'est tout. J'y suis revenu plus tard à la guitare. Mais à quel moment tu as décidé ou tu avais urgent, pourquoi tu ris? Parce que ça me fait marrer tout ça. Oui, c'est ça, parce que tu te rappelles. Là, oui, voilà, ouais, ça me remémore qui j'étais. On tourne des pages, là, on tourne des pages qui sont. C'est ça, on tourne vite des pages. Ouais. Là, bon, aujourd'hui, j'ai plus le même âge et je suis musicien, voilà, je m'éclate. Et tu es rendu là. Quoi? Tu es rendu là. À cet instant-là. Ouais, ouais. Mais j'ai pas changé en fait. Voilà, je t'explique tout ça parce que ces petites cassettes que j'ai fait là en ping-pong avec deux magnétos, c'est vraiment ce que j'ai toujours essayé de faire, essayer de composer de la musique, une musique que je pouvais contrôler moi en faisant un peu tout. Et voilà. Te surprendre aussi à travers tout ça. Ouais, bien sûr, me surprendre, bien sûr, me surprendre. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, oui, je travaille pour Arthur H, je travaille pour d'autres. Mais je veux faire mon propre album, je veux dire mes propres choses. Mais ça a toujours été mon désir, ça. Je suis resté avec Arthur parce que avec Arthur, c'est magique. On est comme deux franges, comme deux frères, comme deux frangins. On a deux âmes d'artistes. On s'est toujours compris avec peu de mots et c'est quand même très rare. Ouais. Et comme Arthur m'a toujours laissé une place dans sa musique, sans que j'en ai conscience. J'ai fabriqué des choses, voilà, d'envergure par moment, je crois, ouais, dans son univers, ouais, parce que c'est un artiste d'envergure. Ouais. Je suis resté avec lui parce que on est devenu amis, et voilà. Mais au moment de Trouble Fête, la même année de Trouble Fête, c'est l'année de mon premier album. Il est sorti un an plus tard parce que j'étais inconnu, le temps de trouver un label. Mais par cette personne qui nous a fait se rencontrer, qui était l'ingénieur du son de Trouble Fête, il était cet ingénieur, le producteur de mon premier disque. Donc, de toute façon, mon premier disque, c'était déjà mon objectif. Il est sorti un an après. J'ai continué les aventures avec Arthur H. tout ce temps-là, et j'ai développé ma carrière en parallèle, voilà. Mais c'est simple, hein. Oui. C'est très simple. Oui, mais dans le premier album, qu'est-ce que tu voulais amener comme propos? Qu'est-ce que tu voulais amener aussi comme son, comme structure sonore, comme facture sonore? Dans la ville, on était donc dans les années 90, c'est une décennie que j'ai beaucoup aimée. Il s'est passé plein de choses, le trip-hop, la jungle, c'est l'invention de la techno, le hip-hop qui s'envole, le rap qui monte en flèche. Ouais. J'écoutais déjà ça dans les années 80, mais voilà, pour moi, ça a été une décennie vraiment très riche. Et puis, et moi, je voulais être un Arthur aussi. On était dans l'avant-garde de la chanson française. On était vraiment... Arthur, il avait 10-15 ans d'avance. Moi, dans ces petits talons, j'avais peut-être avec mon sampleur aussi... je m'intéressais à des trucs. Je ne mettais pas la musique dans des étiquettes à l'époque. Aujourd'hui, on est dans des étiquettes. Un mec qui fait des samples, il fait des breakbeats. Voilà, il fait du hip-hop. Moi, je ne faisais pas ça. J'ai mis des samples... paraît-il, je suis un des premiers à avoir mis des samples dans de la chanson française, dans de la musique africaine ou dans des choses comme ça, chose qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Mais moi, c'est juste... C'est tout à fait naturel. C'est juste mon envie... Sans savoir ce que tu faisais réellement. Ouais, c'est juste mon envie de faire et d'inventer une musique qui serait dans mon temps, avec les instruments de mon temps. Le sampler, c'était un truc de mon époque. Ça me semblait normal, voilà. C'est tout. Et j'étais donc, avant d'être avec Arthur, j'étais connecté avec des amis. J'étais un peu dans le rock un peu alternatif parisien et français. Donc je faisais des remixes un peu bruyants. J'avais un peu croisé le fer aussi avec un groupe qui s'appelle No One Is Innocent. Donc voilà, j'étais dans la ville, dans mon disque. J'étais un grand fan de Mo. Grand fan de Serge Gainsbourg, entre autres, et grand fan de Mo, de Nougaro et de poètes français. J'ai fait des études littéraires, somme toute. J'ai fait un peu fac en philo. Voilà, j'étais... Mais qu'est-ce que tu voulais dire dans ton premier album au niveau narratif? Au niveau narratif, au niveau des textes, c'est assez social. J'ai voulu faire, je crois, inventer une poésie sociale fantastique, je dirais. Parce que c'est tous les thèmes de ma jeunesse, c'est-à-dire de ce milieu ouvrier qui m'a profondément marqué. Il y a une chanson qui s'appelle Le Fric. Il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont noirs. C'est assez noir et en même temps, moi je croyais que c'était... Avec une certaine ouverture, hein, t'étais pas... Voilà, c'est ça. C'était un peu fantastique et je croyais même qu'il y avait beaucoup d'humour. La critique qui a reçu le disque n'a pas forcément compris l'humour. C'est certainement de ma faute. Certainement à cause de moi. Mais il y avait beaucoup d'humour et beaucoup de second degré. Mais les gens ont retenu le personnage que j'étais. J'étais timide, austère, sombre, très timide. Donc mes premières interviews, j'étais très nerveux, très tendu, un peu agressif. Ça paraissait peut-être. Comment ? Ben, ça devait paraître aussi dans le propos. Ah oui, oui. Les mots étaient plus saccadés. Voilà. Et la musique était... la musique, alors pour le coup, là, la musique, on avait relevé quand même qu'elle était quand même un peu en avance par rapport à la chanson de l'époque. Ouais. C'est-à-dire, moi, c'était des rythmes, des grooves un peu black, avec des guitares saturées. Je mélangeais tout, tout pouvait se passer. Il pouvait y avoir des samples de musique classique, des samples de pygmées. Peut-être que c'est ça qui a troublé un peu les critiques. C'était du fait que tu n'étais pas clair au niveau musical. Tu ne voulais pas suivre un chemin, mais tu voulais exploser. Non, je voulais être devant. ne vois plus la berge. Tu rames, mais à quoi ça rime? 20 berges, c'est loin, déjà dans le dos. Et si tes galères te menaient en bateau? La mer est plate, comme une adolescente. T'avances pas, si ce n'est dans les descentes. Des rêves, c'est tout ce que tu vis. Des chimères et sirènes luisent dans la nuit. Et perdu en mer, et perdu en mer, tu perds la boussole. Tes rêves chaloupent, seuls sur ton radeau. Tes rêves te médusent, t'es parti trop loin, trop loin. Tes barges, c'est fou ce que tu gamberges. Tu as mis des voiles, mais pas les bouts. Tu as pris le large, juste un peu trop. Tu as mis du pastis dans ton nom. Malgré la pluie, les fleurs. fleurs ne poussent toujours pas au bout du fusil. Qui a dit que le progrès menait au meilleur? Sommes-nous évolués devant un champ de fleurs? Pourtant les champs de fleurs font des champs de bataille. Les batailles on connaît, on en connaît un bout. On ne connaît que ça, alors moi vous savez, avec ça, je m'en fous. La guerre de l'espace n'aura pas lieu. La guerre de l'espèce c'est encore mieux. Toutes les machines sont des machines à sioux. Si tu veux faire la bombe, appuie sur le champignon. Pourtant les champignons bluffent sur les samouraïs. La suite on la connaît, on en connaît un bout. On ne connaît que ça, alors moi vous savez, avec ça, je m'en fous. Accro au soleil, accro à la lune, au ciel, aux étoiles, au vent dans les dunes. Accro, je suis accro, j'ai toujours un creux en dedans, anarcho-dépendant. Accro à la nuit et à la grande ours, à toutes les étoiles non cotées en bourse. On ne nous apprend pas à rêver des idéaux, on est tiré vers le bas dès qu'on regarde vers le haut. Accro des ailleurs, accro des hauteurs, accro en dedans. Anarcho-dépendant. Anarcho-dépendant. Malgré les engrais, malgré la pluie, les fleurs ne poussent toujours pas au bout du fusil. Qui a dit que le progrès menait au meilleur? Sommes-nous évolués devant un champ de fleurs? Pourtant les champs de fleurs font des champs de bataille. Les batailles on connaît, on en connaît un bout. On ne connaît que ça, alors moi vous savez, avec ça, je m'en fous. Accro au soleil, accro à la lune, au ciel, aux étoiles, le vent dans les dunes. Accro, je suis accro, j'ai toujours un creux en dedans, anarcho-dépendant. Accro à la nuit et à la grande ours, à toutes les étoiles non cotées en bourse. On ne nous apprend pas à rêver des idéaux, on est tiré vers le bas dès qu'on regarde vers le haut. Accro des ailleurs, accro des hauteurs, accro en dedans. Aux bouches d'égout.